Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. François Grégoire au microphone en compagnie de Marie-Claude Dionne pour une chronique en archéologie qui fait la place aux jeunes enfants, un sujet plutôt inusité. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors oui, ce soir je vous parlerai de l'enfance à la préhistoire, un sujet fort intéressant. Puisqu'on peut s'imaginer que le vécu d'un enfant de cette époque-là est bien loin de ce que vivent nos jeunes d'aujourd'hui, mais aussi le sujet devient encore plus pertinent lorsqu'on explore les traces que les enfants ont laissées derrière eux. L'enfance, toutefois, fait partie de ces choses qui ne laissent que peu ou pas de traces quand on parle d'archéologie ou bien même dans l'histoire. Un problème qui a aussi été exacerbé par le fait que l'archéologie ne l'a pratiquement pas étudié dans le passé. Il s'agit donc d'un sujet qui est assez récent. Et pourtant, les enfants ont toujours été bel et bien présents sur un site. Puis en plus, l'enfance, c'est un terrain d'entraînement. C'est le moment où les compétences et les croyances sont apprises, la personnalité va se développer, les valeurs sont inculquées, ce qui en fait un sujet qui mérite encore plus d'être exploré et surtout compris. Et nous ne sommes pas sans quelques connaissances de base, bien sûr, lorsqu'on regarde dans plusieurs sociétés dites traditionnelles. On sait que les enfants vont participer activement à la vie économique d'une maisonnée, comme aller chercher de l'eau ou du bois de chauffage, ou bien parfois ils peuvent s'occuper du troupeau. Nous pouvons donc nous attendre à retrouver sensiblement ces mêmes choses-là à la préhistoire. Alors, si je comprends bien, on ne peut donc pas effacer les enfants complètement de la préhistoire, faire comme s'ils n'avaient pas laissé de traces. Exactement. Une compréhension du rôle économique des enfants, ou bien même les différentes attitudes qu'une société peut avoir envers les enfants, peuvent qu'améliorer les descriptions des cultures du passé, mais aussi va éventuellement permettre une meilleure analyse des données archéologiques que l'on retrouve. Bien sûr, les traces que laisse un enfant peuvent peut-être ressembler à ceux qui ont été faits par un adulte qui serait inexpérimenté lorsqu'on pense à la taille de pierre. Mais il y a certains vestiges qui ne mentent pas sur la présence des enfants sur un site archéologique, comme les jouets, ou vêtements, les ossements d'une sépulture aussi, ou bien même les traces de mains en peinture. Ce qui va m'amener à parler d'un autre type de traces, donc celle des pieds d'enfants qui sont laissés sur le sol. Et il y a divers exemplaires qui ont été retrouvés un peu partout à travers le monde, qui vont provenir aussi de différentes périodes de l'histoire. Et chaque cas, ce qui est intéressant, c'est que ça représente un moment précis dans le temps, un peu comme une photographie, un moment dans la vie quotidienne, et qui révèle, veut pas, bien plus que la présence d'enfants sur un site archéologique. Et la découverte la plus récente qu'on a de telles empreintes est celle faite par une équipe italienne au site paléolithique de Melkakuntur, qui est dans la vallée d'Awash, en Éthiopie. Le site date d'environ il y a 700 000 ans. Et à cette époque-là, on va retrouver sur le continent africain l'espèce Homo erectus et l'espèce Homo heidelbergensis. Et les ossements qui ont été trouvés quelques mètres en dessous des empreintes permettent de parler de la présence de ce dernier, là, du heidelbergensis, sur le site en question. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le site archéologique? A-t-on découvert autre chose que les empreintes de pieds? On se retrouve tout d'abord sur un site qui a eu beaucoup d'activités anthropogéniques récurrentes. Donc, c'est des activités qui ont lieu sur plusieurs années, plusieurs centaines d'années aussi. Et il y a certainement, oui, les empreintes de pieds, mais il y a aussi beaucoup de vestiges lithiques. Donc, c'est des restes de fabrication d'outils en obsidienne. Et quand on regarde attentivement l'assemblage lithique qui a été laissé sur le site, on aperçoit tous les stages de réduction de la pierre par séquençage. Donc, on peut parler d'un geste qui était délibéré humain, qui a eu lieu sur place. Et la technologie, quand on regarde la typologie aussi, et l'approvisionnement de la matière première, de l'obsidienne, ça l'indique la présence d'une industrie de l'acheuléen, donc qui est cohérent avec la présence des heidelbergensis sur le site. Et aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a aucune trace d'habitation sur ce lieu-là. Donc, c'est un lieu qui est de passage. Les traces de pieds se retrouvent dans une couche de limon. Le limon, c'est un produit qui est d'une érosion fluviale des roches qui vont border le bassin versant d'une rivière. Il y a donc immanquablement un cours d'eau à l'époque sur ce site-là. Et cette présence-là explique la nature dynamique du site. Donc, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'activités. L'eau est une ressource importante pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Et quand on regarde l'ichnofossile, donc les traces anciennes, on voit qu'ils n'ont pas été affectée par des processus de pédogénie, donc comme la calcification ou la cryoturbation, ni par la dessiccation du sol, ce qui implique que le sol n'a pas été exposé longtemps. Il a été recouvert d'ailleurs par une large couche de cendres volcaniques qui a pu préserver dans l'entièreté là, les traces des pieds. Donc, on sait que rapidement après le passage des enfants, ça a été recouvert. Okay. Et la paléo-ichnologie va pas étudier seulement les traces humaines. On regarde aussi les traces des animaux. Et sur le site en question de Melka Kuntur, on va retrouver plusieurs bovidés. On pense que c'est soit des gazelles ou des gnous. Il y a des hippopotames aussi. Les archéologues ont d'ailleurs dénombré à peu près 16 pistes différentes. Donc, il y avait un petit troupeau là. Il y a plusieurs oiseaux. Puis, il y a des équidés aussi. Okay. Et la présence d'autant d'animaux. Ainsi, quand on couple ça avec la présence de la taille de pierre, bon, on peut penser que ce serait un site d'un lieu de chasse. Mm-hmm. Tout ça est vraiment fascinant. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'humains qui ont été de passage sur le site? Quand on regarde les différentes tailles de pieds, on compte possiblement 11 empreintes différentes humaines. On aperçoit même des traces qui sont laissées par des très jeunes enfants. Mm-hmm. On y voit un petit talon qui est plus pointu. Il y a une absence de la voûte plantaire longitudinale, puis il y a des mini petits orteils. Les pistes faites par ces enfants-là sont souvent accompagnées par un glissement aussi qui est marqué du gros orteil, ce qui est cohérent avec une démarche un peu sautillante que les enfants peuvent avoir. Et comment peut-on connaître l'âge de l'individu qui a laissé les traces avec des différentes tailles des empreintes? Et aussi, est-ce que les données sont aussi comparables à celles de l'Homo sapiens, oui. Marie-Claude? En effet, on n'a pas vraiment d'informations qui concernent l'autogenèse de l'Homo Heidelbergensis. Donc, on ne connaît pas le développement progressif de cet humain-là, de ce Homo-là. Au fin d'analyse, les archéologues de l'équipe italienne ont utilisé une courbe de croissance moderne, donc qui va être la nôtre, hein, c'est l'Homo sapiens. C'est toutefois, il y a plusieurs éléments qui sont à considérer. La taille des pieds des hommes modernes va résulter du sexe de l'individu, donc homme-femme. Basé aussi sur l'ethnicité, ça peut changer. Et aussi le niveau de nutrition. Donc, on peut pas se baser à 100% sur ces courbes-là. Ces types de courbes-là sont aussi basés sur la taille réelle des pieds et non pas sur une empreinte laissée sur le sol. On conçoit donc que les courbes du Heidelbergensis ont sûrement été considérablement différentes du sapiens. En conservant ça en tête, on a une estimation qui donne environ 2 adultes, 4 individus d'environ 1 an, 2 de 2 ans et de 2 de 3 ans. Mm-hmm. Des 4 individus âgés d'environ 1 an, certains seraient peut-être même plus jeunes, là, près de 6 mois. Okay. 6 mois, c'est quand même un bien jeune âge pour marcher chez l'Homo sapiens. Est-ce que ceci indiquerait que l'Homo Heidelbergensis pouvait se tenir debout si tôt? On ne le sait pas non plus, ce qui est un peu malheureux. Si je ne m'abuse, il s'agit des premières traces laissées par de 6 jeunes pieds dans le sol, c'est sûr et certain. Les archéologues ont proposé l'idée que peut-être que les plus jeunes du groupe étaient tenus debout par un humain. Un adulte plutôt. C'est sûr que si l'âge des individus est un peu controversé, il en demeure pas moins que le groupe est un mélange clair d'adultes et d'enfants. En considérant l'endroit qui est un lieu propice pour la chasse, les enfants devaient sûrement suivre les adultes là, tout le temps. Il s'agit là, c'est sûr, d'une occasion en or pour les enfants d'apprendre tout sur la chasse et sur le dépeçage, puis aussi sur la fabrication des outils. Ah ben oui. Donc, on peut présumer que ce genre d'apprentissage-là commençait vraiment de très, très bas âge. Et les enfants avaient sans doute des leçons à tirer de cette école prématernelle. Oui, exact. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, François. C'est vraiment fascinant. Alors, on va rester en mode histoire pour jeter un coup d'œil sur l'histoire des sciences des Grecs anciens à aujourd'hui. Restez avec nous sur CKRL 89.1.